Bosco Nduiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le Burundi a commémoré ce lundi le 31e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira, survenu le 6 avril 1994 dans un crash d'avion à Kigali. À cette occasion, Monseigneur Gervais Miyubusa a, dans son homélie pour la messe de circonstance, réitéré son appel à la recherche de la vérité sur cette tragédie. Et la nouvelle loi du Comité international olympique oblige les fédérations sportives à respecter le taux de 50% des femmes dans les instances de prise de décision pour prétendre participer aux Jeux olympiques. Vous entendrez les explications du directeur de l'Académie nationale olympique. Et un rapatrié de Mutambara a lancé un projet de fabrication des pavés de route à partir des déchets plastiques. Apollinaire Ndikuma Sabo a même déjà reçu des commandes. Nous appellerons notre correspondant là-bas. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Commémoration ce lundi du 31e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira, survenu le 6 avril 1994 dans un crash d'avion à Kigali avec le président rwandais d'alors, Juvenal Habyarimana. Au cours d'une messe en la mémoire du président Cyprien Ntaryamira, Gervais Mashimiyubusa, archevêque du diocèse de Bujumbura, a appelé les Burundais à en découdre avec le mal et servir la nation. Umuntu azirikanye kwibanga ry'abashinzwe kuyobora igihugu ryamari ryo gutunganiriza igihugu n'abakibamwe bose ngo birinde nabi. Conscient que les hautes autorités du pays ont cette fonction de toujours gérer le pays en bon père de famille et pour la population, pour prévenir le mal, vivre ensemble pacifiquement, on voit immédiatement que cette parole de Dieu a un point de convergence avec cette commémoration de la mort de ce gestionnaire du pays qui aidait le peuple à toujours suivre le droit chemin, ainsi mettre en avant le dialogue plus que la force. En effet, la parole divine ne fait que donner des conseils aux individus pour qu'ils vivent en toute vérité, sans faire du mal à l'autre, justice et paix, parce que c'est à ce prix que le développement sera de mise. Cette parole d'aujourd'hui a donc cet objectif de nous conseiller que chacun s'évalue pour se relever d'un probable mal, parce que le Père a envoyé son Fils pour nous sauver du mal. Si c'est ainsi, nous réservons une place de choix à la paix et au développement. Kandi yo tuvuye mu kibi icari cyo cyose tuba turiko turasasira indava amahoro mu gihugu n'iterambere rigashoboka. La recherche d'une vérité qui ne cherche pas à satisfaire l'un ou l'autre, une vérité sur l'assassinat de ce président et d'autres massacres, devrait guider des Burundais, ajoute Monseigneur Mashimiyubusa. Mu byo bavuga byaranga nyenicubahiro président Cyprien Ntaryamira. Kimwe mu byatumye abantu badasangiye imigambwe n'ubwoko. Parmi les caractéristiques qui ont marqué le président Cyprien Ntaryamira, l'un des points qui ont fait qu'il soit un préféré des partis politiques et ethnies différentes à le choisir comme président de la République après le massacre, c'est parce que c'était un homme juste, d'une totale transparence. C'était un homme de parole qui tenait à ce que promesses soient traduites en action. Même dans sa vision de discipline dans le pays, dans tous les secteurs, il voulait servir de modèle, amener toute personne à vivre et respecter l'autre et des institutions et à accomplir les missions qui lui sont confiées. Qu'elle médite encore sur une discipline de plus qui peut nous aider et dans notre pays. Nous avons entendu que la vérité libère et soigne. Demandons à Dieu qu'il y ait plus de gens qui soient comme Daniel, que nous avons entendu dans la première lecture, ou bien Jésus dans la bonne nouvelle en nous aidant dans la quête de la vérité, peut-être même à commencer par l'assassinat de celui qui nous réunit aujourd'hui dans cette prière, parce que rien n'est encore officiel. Quand est-ce que la vérité sera connue pour nous tranquilliser? Même pour les autres, et s'il y avait vérité dans d'autres procès, le pays finirait par recouvrer la paix. Cette vérité qui ne vient pas satisfaire les dirigeants ou pour se venger des uns de la vérité. C'est cette vérité qui guérit sans avoir tué quelqu'un d'autre. Il L'État du Burundi doit faire des enquêtes approfondies pour établir la vérité sur la mort du président Cyprien Ntaryamira et deux de ses ministres. Propos de l'ancien président du Parlement, Léonce Ngendakoumana, lors de la commémoration du 31e anniversaire de l'assassinat du président Ntaryamira. Il propose que les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi soient renormalisées pour vider la question. Il n'y a pas eu d'enquête pour connaître la vérité. Pour l'établissement de la vérité, parce que juste après cette attaque sur l'avion qui transportait les deux présidents, il y a eu une compromission de la paix et de la sécurité au Rwanda et au Burundi. Au Burundi, il y avait déjà une insécurité liée à l'assassinat du président Mathieu Ndadaye au coup d'état tragique du 21 octobre 1993. Alors, l'insécurité, les mauvaises relations qui ont survécu entre le Rwanda et le Burundi n'ont pas permis d'établir la vérité, n'ont pas permis de mener des enquêtes. Il faudra alors assainir cette situation d'insécurité, aplanir ces relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi pour pouvoir aborder le tournant de la justice, pour pouvoir établir la vérité avec objectivité, avec impartialité, avec neutralité, parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions qui sont même liées aux ethnies. Il y en a qui pensent que le Rwanda est un pays de Tutsi, que le Burundi est un pays de Hutu. Et à cause de ces mauvaises relations entre les deux pays, le Rwanda ne semble pas être prêt pour ces enquêtes. Parce que des fois, nous, au Frodebo, nous pensons que le Rwanda a une grande responsabilité dans cette attente. Peu importe ceux qui ont fait ça, mais c'est le Rwanda, c'est le pays. Alors, la démarche, c'est que pour découvrir la vérité, le gouvernement du Burundi doit jouer pleinement son rôle. Il ne faut pas aller demander au Rwanda d'établir la vérité. Il faut que le gouvernement du Burundi s'implique dans cette recherche, dans cet établissement de la vérité, pour pouvoir effectivement rendre justice aux ayants droit, le pays, la famille, son parti d'origine, pourquoi pas, sans que ces relations tendues entre le Rwanda et le Burundi persistent, tant que la situation d'insécurité persiste entre les deux pays, ou dans la région même si vous voulez, on sait qu'il y a même des implications de la communauté internationale dans cette tragédie. C'est une question qui n'est pas facile à aborder. La vérité ne sera pas établie, la justice ne sera pas rendue. Si ce contexte n'est pas résolu. Léonce Ngendakoumana, ancien président du Parlement burundais, il vient de le rappeler, Cyprien Ntaryamira est mort avec son homologue rwandais Juvenal Habyarimana à Kigali. Et ce lundi 7 avril, au Rwanda, marque le début de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Des commémorations qui, comme chaque année, vont durer 100 jours pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres commis. Pour les rescapés, ce moment se prépare en groupe pour surmonter ensemble une période où les souvenirs et traumatismes ressurgissent. Un jour avant le début des commémorations, l'association AVEGA des veuves du génocide a organisé plusieurs rassemblements dans toutes les provinces du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Santé à présent, les décès maternels et des nouveau-nés restent un sujet de préoccupation majeure. Malgré les progrès réalisés pour entretenir la santé et le bien-être des femmes et des enfants, selon des études récentes, sur 100 000 femmes enceintes, 299 meurent pendant l'accouchement, alors que sur 1000 nouveau-nés, 23 perdent leur vie. Cela ressort de la déclaration faite ce lundi par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'occasion de la journée internationale dédiée à la santé le 7 avril de chaque année. Le ministre Lidwine Radahana a réitéré l'engagement de son ministère à pérenniser la collaboration avec ses partenaires pour promouvoir la santé des Burundais en général et plus particulièrement celle des mères et des enfants. Un projet de fabrication des pavés de route à partir des déchets plastiques a déjà été lancé par Apollinaire Ndikumasabo, un des rapatriés de Mutambara. Il rassure que cela pourra générer des revenus tout en préservant l'environnement. Et certains parmi ceux ayant fait passer des commandes et l'administration locale apprécient positivement ce talent. Il l'encourage et voudrait que les autres jeunes, soi-disant désœuvrés, de lui emboîter le pas pour leur autodéveloppement et celui du pays. Jean-Pierre Misako. C'est dans un four réalisé à partir d'un fût métallique qu'Apollinaire Ndikumasabo mélange différents déchets plastiques et du sable fin. Son mélange de déchets plastiques ramassés ici-là en fusion et du sable fin est ensuite mis dans une moule préalablement fabriquée et un pavé encore chaud est obtenu. Il faudra attendre le refroidissement de ce pavé pour le coloriser selon les préférences de l'acheteur, explique Apollinaire Ndikumasabo. Normand Banguiha, le premier à commander 1000 pavés en raison de 1000 francs burundais la pièce, dit avoir reçu des informations selon lesquelles ces pavés avec plastique se brise difficilement par rapport à se fabriquer avec du ciment avant de faire passer la commande. Mawenel Pascal, apprenant cette technique, espère à un emploi quand le projet aura évolué. De son côté, Athanase Masumbuko, un des élus culinaires de Mutambara, encourage ce jeune entrepreneur et appelle les autres jeunes à lui emboîter le pas. Il s'agit là d'un deuxième projet initié par Apollinaire Ndikumasabo à Mutambara après celui de la fabrication du charbon écologique, entreprise cela fait déjà 3 ans. Et tous ces projets, grâce à des formations reçues alors qu'il était réfugié en Tanzanie, des formations complétées par ses recherches sur Internet, selon ses dires. Jean-Pierre Misago depuis Mutambara, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et les fédérations sportives ne respectant pas le taux de 50% des femmes dans les instances de prise de décision ne seront pas autorisés à participer aux Jeux Olympiques selon la nouvelle loi du Comité international olympique. Révélation faite ce samedi par le directeur de l'Académie nationale olympique lors de la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Bernard Mfubusa encourage les femmes à adhérer aux associations sportives. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Ces noms sensibilisent les femmes, sensibilisent les filles à aller toujours de l'avant. Le pourcentage est encore faible. Nous devons absolument atteindre un pourcentage de 50-50 dans les clubs, les associations et les fédérations. Et il faut une sensibilisation. Il faut sensibiliser les femmes à faire du sport. Quand on a fait du sport, on voit le bienfait du sport. Quand on fait du sport, on amène les enfants dans le sport. On amène ses sœurs dans le sport. Donc il faut sensibiliser les femmes pour amener les filles pour faire le sport elles-mêmes d'abord et pour amener leurs enfants dans le sport. Les filles en particulier, parce que c'est là où nous devons absolument faire un effort particulier. Du sport toujours, fin ce dimanche 6 avril 2025 dans le tournoi international de tennis intitulé International Tennis World 50 qui a eu lieu sur le terrain de l'entente sportive de Bujumbura avec un exploit historique de la Burundaise Sada Nahimana pour la 2e semaine consécutive. Elle remporte le titre de ITY 50, un record inédit depuis que le Burundi accueille ce prestigieux tournoi international. Maintenant pour la 3e année consécutive. En finale, elle a brillamment dominé la joueuse française Sarah Rakotomanga, classée 299e mondiale, avec un score de 2-7 à 0. Et le centre spécialisé pour la prise en charge des malades atteints de la variole du singe Mpox, implanté dans les enceintes de l'hôpital régional de Gitega par l'UNICEF, a contribué énormément à la réduction de la propagation de cette infection au grand plaisir des patients et du personnel soignant. Docteur Eric Ndiho Kugayo, directeur de cet hôpital, indique qu'avant, les patients atteints de cette maladie étaient hospitalisés avec ceux souffrant d'autres pathologies. De son côté, Venant Manirambona, gouverneur de Gitega, exprime également sa satisfaction quant aux actions menées par cette agence onusienne pour l'enfance dans sa province. C'est un reportage d'Olidi Gahimbari. Nous avons trouvé au centre de traitement des malades atteintes de la variole des singes en pox à l'hôpital régional de Gitega. Ces enfants remercient vivement l'organisation internationale UNICEF pour l'attention qu'elle leur accorde en leur offrant des soins gratuits. Je suis en train de bénéficier des traitements grâce à UNICEF et je remercie UNICEF pour cette initiative. Il faut que d'autres enfants qui souffrent de cette maladie viennent en bénéficier car les soins sont gratuits. J'avais des maux de tête et de la fièvre, mais aussi des lésions cutanées. Je prends des médicaments le matin et le soir. Je remercie aux médecins et à l'UNICEF qui nous suivent de près pour améliorer notre santé et en nous soignant gratuitement. Femme qui a amené son enfant à ce centre exprime sa grande satisfaction car seulement dans 2 jours, son enfant avait déjà trouvé sa santé. Mon enfant est très bien suivi. On lui donne des médicaments régulièrement. Et depuis que je suis ici, juste après 2 jours, j'ai constaté un changement. On ne tardait pas à nous donner des médicaments. Il respecte les délais. Mon enfant est guéri. Nous réjouissons de cette initiative de prendre en charge nos enfants. Docteur Sœur Bernadette Akimana, responsable de ce centre, indique qu'il est désormais plus facile de gérer les cas, en particulier ceux des enfants atteints par cette maladie. Avec l'appui de l'UNICEF, ici, à l'hôpital régional de Gitega, spécialement dans le centre de l'isolement de sa charge de Fox. Je dirais un très grand soulagement, puisque au départ, avant que l'UNICEF soit impliqué dans la prise en charge, nous nous demandions comment on va continuer à les prendre en charge avec, je dirais, les médicaments de l'hôpital propre. Parce que même les autres patients, en utilisant les médicaments ou les matériels de l'hôpital, auraient dû ne pas être pris en charge. Cette information est également confirmée par Dr Eric Ndokubgayo, directeur de l'hôpital régional de Gitega. Alors, au début de la déclaration de l'épidémie, on a eu 2 cas de Mpox. Les difficultés que nous avions, c'était essentiellement manque de locaux appropriés pour assurer un isolement de ces malades, vu que ces malades devraient être séparés des autres. On se retrouvait que tous les malades, que ce soit les malades, les patients qui sont les malades qui sont confirmés, et donc c'est-à-dire qui ont été dépistés et positifs, aussi les malades en attente des résultats, ou bien les malades en attente de prélèvement, se logeaient ensemble, étaient dans un même local, ce qui a entraîné une propagation rapide de cette pandémie de Mpox. Vraiment, c'était une situation qui était difficile à gérer. Nous saluons vraiment les appuis de l'UNICEF. Pour le moment, on a une zone de triage, donc d'accueil, là où tous les patients et les cas suspects de Mpox. Docteur Iradukunda Patient, qui travaille pour l'organisation Safe Inclusion en collaboration avec UNICEF, affirme qu'ils ont beaucoup aidé cet hôpital en leur offrant ce centre ainsi que des équipements et des médicaments nécessaires. Safe Inclusion, soutenu par l'UNICEF, on appuie surtout les médicaments, le personnel qui travaille ici dans le centre de Mpox. On a appuyé aussi sur la construction du centre, et ce qui concerne la clôture et la mise en place des tanks d'eau dédiés pour ce centre. On alimente aussi des patients qui viennent consulter le centre, ainsi que des patients qui sont hospitalisés. Venant Manila Mbona, gouverneur de la province de Gitega, salue les actions que l'organisation UNICEF mène dans la région, en particulier pour l'amélioration de la santé des enfants. La responsable du centre de traitement des malades de Mpox indique que 8 personnes y sont actuellement soignées et que leur état de santé est stable. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.